Radiomatique. Amorcer la transmission 441 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du collectif franco-algérien Acid Arab de son troisième album simplement intitulé 3 et qui est paru le 3 février 2023. nous entendions la chanson « Acid Shawi » à laquelle participe Knafer Lazar. À Audiomatique, nous poursuivons, cette fois avec le groupe belge Aksak Maboul. J'entends la rumeur connue, assortie du grésillement assourdissant des lumières de la ville. Allô, au loin, dans un ciel d'opéra. Fantasque nébuleuse de Drusen à l'assaut d'un éruptique cavernum annoncé. La ville déverse un fleuve d'humains monochromes, caparaçonné d'étoffes muettes qui se frôlent ou se cognent. Je fends lentement un courant aptique qui m'ignore. Seul, comme moi, ce flou humain monochrome caparaçonné d'étoffes muettes qu'il ignore. Bondissant par ricochet sur les vitres des immeubles, les feux célestes ravivent soudain les couleurs. Un faisceau s'est figé à la naissance. Sentier pavé. horse's hide. Yeah. Ngazi papatiso lwandle kwa kuquka insila yami yaba ubucwebe kimi kwazimula njengo lwandle veza iqiniso manzi ngibonise ububanzi njengobuyisibuko sezinyanga nenkanyezi iba isibani Il s'agissait à Audiomatique de l'artiste sud-africain Desire Marea, qui fait également partie du duo Faka. De l'excellent deuxième album solo de Desire Marea intitulé On the Romance of Being, sorti le 7 avril 2023, nous entendions sa composition Banzi. Précédemment à Desire Marea, nous avions droit à Ruby, l'incarnation musicale de l'artiste britannique Leslie Rankine. De l'album Saltpeter 25, nous vous avons présenté la pièce Caron de lait, Me Too Mix. Saltpeter 25 est en fait un album qui célèbre le 25e anniversaire de la parution du premier album de Ruby, Saltpeter, lancé en 1995. Il comprend des versions des pièces originales complètement reconstruites et réinterprétées. Et pour débuter ce bloc musical, c'était le groupe belge Aksak Maboul et la chanson Brown Dwarfs, extraite de l'album Une aventure de VV Songspiel, lancé le 3 mars 2023 et qui s'inscrit comme étant la 48e parution dans la série Made to Measure. Audiomatix se poursuit sur la musique du projet Dissidentes. so thin. Tears corrode, and acid the body wastes, while slippers dance and weave a bitter taste. Fold the face of one you loved, burst the body that you must mourn. This is the love I live in now, a heart that breaks in no time or place. My voice tricks in words. To the wall, scold her stinking orifices, convulse the body in pain. Audiomatic, nous venons d'écouter le duo Chris and Kazi, qui a été fondé en 1981 par deux ex-membres de la formation Throbbing Gristle, à savoir Chris Carter et Fanny Kazi Tutti. La pièce que nous avons entendue, Dancing Ghost, a été composée en collaboration avec l'artiste John Lassay et fait partie de la trame sonore pour un projet vidéo intitulé Elemental 7, publié en 1983. Il est possible de retrouver cette pièce sur le disque Collective 3 à un Elemental Rendez-vous, paru sous l'égide de Chris and Kazi. Avant cela, c'était la formation SPK et sa pièce « A Heart That Breaks in No Time or Place » tirée de l'anthologie « Autodafé ». Il s'agit d'une pièce composée en 1981. Et pour amorcer la séquence, c'était le projet « Dissidentes » et la pièce « Martillo » qu'on peut trouver sur la compilation « Sintomas de Techno Ondas Electronicas Subterraneas desde Perú » produite par l'étiquette de disque Boo Records. Cette compilation présente 9 formations péruviennes ayant produit des musiques dites industrielles et IBM entre 1985 et 1991. Cette transmission d'audiomatique se terminera sur la musique de Moon Duo et la pièce Ripples tirée de la première parution de cette formation américaine, à savoir le Killing Time EP, publié en 2009. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Moon Duo et la pièce Ripples. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.